J'ai jamais vu des yeux si doux et des lèvres comme des pétales de rose. J'aimerais te dire, comme on avoue, rien n'est plus fort et tu en es la cause. Pour moi, l'amour n'est plus un choix, tu sais. Je sais qu'à présent, l'amour c'est toi. Comme une mélodie, tout en harmonie, ta voix qui résonne. Invisible qui vers toi m'attire et qui me pardonne mes erreurs. Grâce à toi je m'abandonne, ton rire me donne la force de m'envoler. Je sais qu'en effet on est fait pour toujours s'aimer. J'aurais voulu te rencontrer bien avant pour être avec toi plus longtemps. Tu rends l'instant si magique, avec toi rester jusqu'à la nuit des temps. Être avec toi est un honneur, tu sais. C'est cliché, mais tu es mon âme sœur. Comme une mélodie, tout en harmonie, ta voix qui résonne dans mon cœur. Une force invisible qui vers toi m'attire et qui me pardonne. Tu me regardes, je peux dire que bientôt la nuit va finir. Ta voix comme un soleil me connaît et m'appelle et couvre mes malheurs. Comme une mélodie, tout en harmonie, ta voix qui résonne dans mon cœur. Une force invisible qui vers toi m'attire et qui me pardonne mes erreurs. Grâce à toi, je m'abandonne. Ton rire me donne la force.